méchant changement. J'en ai assez de cet affreux décor. Il faut l'avouer, c'est un méchant cauchemar. J'en plus la nuit, mes murs m'en veulent à mort. Pour les laideurs que je leur cloue au corps. J'ai pensé faire un musée des horreurs. J'suis un expert, ma chambre fait lever le cœur. Tous mes amis ont peur de venir chez nous. Mon chien gémit quand il aperçoit mon trou. J'ai besoin d'aide apparemment. Apparemment, j'ai besoin d'un méchant changement. J'ai essayé d'améliorer mon sort. Redécorer, ça m'a tout un effort. Mais j'ai compris, j'avais raté mon coup. Quand mes parents m'ont dit que c'était à leur goût. J'ai besoin d'aide apparemment. Apparemment, j'ai besoin d'un méchant changement. J'ai besoin d'aide apparemment. J'ai besoin d'un méchant changement. Méchant changement. Méchant changement. J'ai besoin d'aide apparemment. C'est affreux décor. Il faut l'avouer, c'est un méchant cauchemar. Tous mes amis ont peur de venir chez nous. Mon chien s'enfuit de pas tant de mauvais goût.